Participez en grand nombre au Saint-Prime Open qui se déroulera cette année du 19 au 20 juillet au club de golf de Saint-Prime. Ayez la chance de jouer la mafia d'ouverture du 19 juillet ou le Saint-Prime Open Formule Vegas à 4 joueurs. Pour plus de détails, visitez la page Facebook du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean ou contactez Roger Caron au 251-2831 poste 27. On va parler de football. Beaucoup de monde ont ri là, hier avec la nouvelle que Terrell Owen était sur la liste de négociation des Eskimos d'Edmonton. Ça veut dire qu'ils ont 10 jours pour s'entendre avec Owen et les Eskimos. Sans ça, il va devenir joueur autonome. Quoi qu'il en soit, on en parle avec de Radio-Canada Edmonton, Patrick Henry. Salut Patrick. Salut Danny. Patrick, est-ce vrai que Terrell Owen, c'est-tu une joke ou Terrell Owen est vraiment dans la mire des Eskimos? Ben, je dirais pas qu'il est dans la mire de l'équipe. Ça fait déjà quelques semaines qu'on sait qu'il est que son nom est sur la liste de négociation des Eskimos. Cette liste-là, je vous le rappelle, était gardée secrète pendant des années. Maintenant, les équipes sont tenues de dévoiler, je pense que c'est une vingtaine de noms là, qui sont sur leur liste pour rendre ça un peu plus intéressant pour les fans. Alors, on savait que Terrell Owens était sur la liste de négociation. Ce qui est nouveau cette semaine, c'est que Terrell Owens a donné un ultimatum aux Eskimos. Alors, on peut prétendre que chaque joueur qui est sur la liste de négociation a déjà eu des discussions avec l'équipe. À quel point c'est sérieux, c'est probablement pas toujours très sérieux. Mais là, Owens a donné une fenêtre de 10 jours aux Eskimos. C'est ce qui est permis dans la convention. Vous avez 10 jours pour m'offrir un contrat. Et sinon, ce qui arrive, c'est qu'il devient autonome. Donc, il peut signer, il peut s'entendre avec n'importe quelle équipe. Mais les Eskimos, ce qu'ils peuvent faire de l'autre côté, c'est lui offrir le contrat minimum dans la Ligue canadienne de football, qui est à 54 000 $ et conserver ses droits s'il refuse. Est-ce que Terrell Owens veut jouer pour 54 000 $ canadiens par année? On peut-être en douter, mais s'il est vraiment très sérieux dans son désir de jouer au football, ben peut-être qu'il accepterait une offre comme ça des Eskimos, mais pour l'instant, c'est pas dans l'intérêt des Eskimos de lui offrir un contrat. On n'a pas besoin de lui avec l'équipe de la façon dont la saison se déroule jusqu'à maintenant. Parce que les receveurs de passe, ça va bien du côté des Eskimos. Vous avez un gars, Brandon Zystra également, qui va être au camp de la NFL. Zystra a parti encore aux Eskimos en théorie, là, mais d'après moi, il va connaître du succès dans la Ligue canadienne. Mais à chaque fois qu'on a perdu un receveur de passe du côté des Eskimos, on a réussi à le remplacer. On avait perdu Darrell Walker il y a quelques années. Zystra était apparu. Là, on perd Zystra, il y a Dakell Williams. Si on regarde les statistiques de la Ligue canadienne de football, là, parmi les quatre meilleurs receveurs de la Ligue cette année, il y en a trois des Eskimos. Alors, on a Dakell Williams qui est premier, Darrell Walker deuxième et Kenny Stanford qui est quatrième. Alors, c'est pas la place où les Eskimos ont le plus besoin d'aide. Si Terrell Owens était un secondaire, s'il jouait à une position en défense, peut-être que là, on serait un peu plus sérieux dans les démarches avec lui pour qu'il vienne jouer à Edmonton, mais pour l'instant, là, s'il y a une position où ça va bien, c'est celle de receveur de passe, donc Terrell Owens, pas besoin de lui tout de suite. Et Terrell Owens, est-ce qu'il a parlé? Est-ce que vous avez essayé de le rejoindre? De savoir? Non, nous, on n'a pas essayé, à ma connaissance, il n'y a personne qui a réussi vraiment à lui parler, parce que les grosses discussions qui entourent Terrell Owens aux États-Unis présentement, c'est pas son futur probable ou potentiel dans la Ligue canadienne, c'est le fait qu'il va bouder la cérémonie d'intronisation au Temple de la Renommée le 4 août, alors c'est de ça dont on parle beaucoup là-bas. Terrell Owens n'a pas changé, hein. C'est un joueur qui aime faire parler de lui. Il voulait entrer au Temple de la Renommée, il a été boudé, il a pas réussi à ses deux premières années d'éligibilité, donc là, il a joué, il s'est plaint en disant qu'on c'est parce qu'on l'aimait pas, qu'on votait pas pour lui, qu'il méritait d'être là. Là, il est finalement élu, et là, il dit, ben, j'irai pas à la cérémonie, je vais célébrer ailleurs. Alors, c'est du grand Terrell Owens. Est-ce qu'il est encore capable de jouer au football à 44 ans? Peut-être. Un joueur comme lui, peut-être. Ça fait 6 ans qu'il n'a pas joué. Donc, si on lui fait signer un contrat cette semaine, que ce soit les Eskimos ou une autre équipe, faut pas s'attendre à ce qu'il va être capable de jouer la semaine suivante, là. Même s'il est en forme, il a besoin de se remettre dans une forme de football. Alors ça, c'est pas évident. Et à 44 ans, c'est assez vieux pour jouer au football. Alors moi, je pense que c'est une opération de publicité, mais on sait jamais. Les options des Eskimos aussi, ce serait peut-être de lui offrir un contrat et de l'échanger à Toronto. Terrell Owens a un impact intéressant parce que là, on a besoin d'avoir des vedettes là-bas pour faire pour pour faire connaître le sport un peu plus, pour le pas connaître, mais pour intéresser les gens au football. Mm-hmm. Alors avoir une attraction comme Terrell Owens à Toronto, peut-être que là, c'est plus intéressant qu'à Edmonton. Oui, dans le cas de Théo, écoute, 44 ans, tu sais comme moi, Patrick, tu te rappelles de Chad Johnson, le passant avec les Alouettes? Dans le cas de Chad Johnson, il y a eu les blessures. Hein? Puis il était seulement un an, puis il était plus jeune que... Il était seulement arrêté un an et il était plus jeune que Terrell Owens. Owens de 44 ans, là, pas joué pour 6 ans. Donc, ça, les blessures peuvent venir très vite dans son cas. Là. C'est ça, oui aussi, mais on peut penser qu'il est resté en forme. Mais sur un terrain de football, à se faire frapper, c'est pas nécessairement le métier le plus facile. Puis faire ça aussi, il faut se rappeler encore. 54 000 $ canadiens, c'est le salaire minimum. Est-ce qu'il va accepter de faire ça pour ce montant-là? Il pourrait dire oui. Si les Esquimaux lui font une offre, s'ils sont sérieux en voulant garder ses droits de négociation, si on a son nom sur la liste de négociation, c'est qu'il y avait un certain intérêt à un moment donné. Mais quand? Est-ce que c'est quand on a perdu les services de Brandon Zylstra et on n'était pas certain de qui allait pouvoir être là en relève? Peut-être que c'est à ce moment-là qu'on a mis son nom sur la liste et là, on l'a conservé. D'ici en quoi il reste 8 jours, là. D'ici 8 jours, on en saura peut-être un peu plus. Et c'est dommage que les Esquimaux soient dans leur semaine de congé cette semaine parce que on aurait probablement pu avoir des réponses. Mais là, le bureau est pas fermé, mais c'est tout comme. Il y a pas beaucoup d'action au bureau des Esquimaux cette semaine. L'entraîneur-chef, le directeur général sont absents. Alors, il faudra attendre au moins au début de la semaine prochaine là, pour savoir ce qu'il y en est de ce dossier-là, à moins qu'on lui fasse une offre et là, qu'on l'annonce. C'est parce que moi, le seul intérêt que je vois avec Terrell Owens, t'amènes Terrell Owens à Edmonton, il y a des chandails qui vont se vendre pareil. Là. C'est le seul intérêt pour les Eskimos, là, parce qu'ils s'en est vendu des chandails de Chad Johnson avec les Alouettes. Là. Bon, c'est certain, mais les Esquimaux ont quand même aussi pas besoin de autant que d'autres équipes. Donc, comme je dis, ça serait peut-être plus intéressant pour une équipe comme Toronto. À part Toronto, je vois pas vraiment qui pourrait avoir un intérêt en Terrell Owens et où ça pourrait bien fonctionner. Il y en a des joueurs qui ont tenté leur chance. D'anciennes vedettes, là, il y en a eu, mais à part là, des quelques corps arrière, Jeff Garcia, Doug Flutie, Warren Moon, là, qui ont fait lui Moon, ça a été le trajet inverse. Là. Les joueurs qui sont venus jouer ici, on se rappellera de Ricky Williams il y a quelques années, ça n'avait pas été un gros succès non plus. Donc, les joueurs de la NFL, c'est pas évident. Il y en a seulement un, c'est Doug Flutie qui a eu du succès. Là. Puis moi, tu en as nommé plusieurs, tu as nommé Ricky Williams, il y a eu Dexter Manley. Ricky Williams, ça n'a pas bien fonctionné. Dexter Manley, il y a eu plein de joueurs. André Ware, donc... quelque part. Mais moi, j'aime ça, pareil, qu'ils viennent, parce qu'ils se font planter. La Ligue canadienne de football, là, se fait ridiculiser, puis ils jouent du bon football pareil. Donc, on va voir Manziel, peut-être. Johnny Football, il n'est pas chanceux, il n'a pas l'occasion de jouer parce que Massoli, en avant de lui, à Merton, joue très, très bien cette année. Je pense que dans le plan, on voulait lui donner le ballon un peu plus tôt. Peut-être que pour lui, ça va bien fonctionner. On va voir. On lui souhaite. Moi, je souhaite pas de malheur à aucun ancien joueur de la NFL, mais j'aime ça quand les joueurs de la NFL se rendent compte que quand on en joue dans la Ligue canadienne de football, ben c'est pas nécessairement aussi facile qu'on pense. Puis oui, c'est une ligue de niveau inférieur, mais c'est du football qui est quand même différent, puis il faut être capable de s'adapter au style de jeu qui est pratiqué. T'as parlé de Menzel, là. J'en ai parlé avec mon collaborateur Pascal Masson la semaine passée. Menzel, là, écoute, il est venu au Canada seulement pour une affaire, pour se faire montrer à la NFL. Lui, son but, c'est de retourner dans la NFL. Là, je suis pas sûr qu'il est venu au Canada pour être deuxième quart. Tantôt, ça risque de hein? Ce que je veux dire. En même temps, il prend l'expérience en même temps sur les lignes de côté. La plupart des corps américains qui arrivent, à l'exception cette année là, du jeune à Winnipeg là, qui a été lancé dans mes lignes rapidement. Là, ouais. On n'a pas eu le choix, mais habituellement, on n'aime pas les envoyer trop rapidement dans mêlée. Donc, du côté de Menzel, c'est peut-être pas une mauvaise chose aussi. Mais on se le cachera pas. Owens aussi, s'il vient jouer dans la Ligue canadienne de football, c'est peut-être parce qu'il veut se montrer aussi pour éventuellement peut-être signer avec une équipe de la NFL. Parce que là, c'est ça, le contrat, le salaire minimum est un peu plus élevé. On parle vraiment $1 million. Et il y a des équipes qui ont besoin qui aiment avoir des cirques dans leur entourage. Donc, ça serait probablement plus facile pour lui encore après là, de pouvoir attirer l'attention puis de pouvoir être le centre d'attention comme il aime l'être. Mais je reviens à ce que je disais, Patrick. Les blessures arrivent vite à des gars de 44 ans. Surtout que ça fait 6 ans qu'ils n'ont pas joué. Ben, il y en a un l'année passée, c'était qui? J'essaie de me rappeler, en Saskatchewan, il y avait un corps arrière qui a voulu faire un retour aussi l'an passé, puis justement, c'est ce qui est arrivé. Vince Young! Vince Young qui voulait faire un retour l'an passé. Ouais. Lui aussi, ça faisait des années qu'il n'avait pas joué avant de revenir en Il était plus jeune aussi. Ben, mais... ça n'a pas bien marché. Il était plus jeune? Il avait quel âge? Il est né en 83, donc il y a presque 40 ans. Là, donc, 35 ans. 30... Enfin, un peu plus jeune que Owen, 10 ans plus jeune, mais c'est ça n'a pas bien fonctionné pour lui. Quand on est à l'extérieur du jeu pour longtemps, ça nous rattrape à un moment donné. Dernière question, Patrick. L'Ouest, ça risque encore d'être fort. Hein. Moi, depuis que je suis allé Canadien, ça a pratiquement été toujours l'Ouest qui a dominé. Le calendrier n'a pas nécessairement gagné la Coupe Grey, mais c'est là qu'ils jouent du meilleur football. Ça va être encore très serré, puis je serais même pas surpris encore de voir une équipe traversée encore dans l'Est. Je pense qu'il y a eu un sondage qui a été fait auprès des journalistes de football dans la Ligue canadienne au début de la saison, là, par la Ligue canadienne, et je pense qu'à 80%, les reporters ont répondu que oui, elle allait encore avoir un crossover cette année. On regarde l'équipe qui est cinquième, il y a cinq équipes dans l'Ouest, l'équipe qui est cinquième, autant de points que l'équipe qui est en tête dans l'Est. Donc, l'Ouest est toujours très compétitif. C'est dur à expliquer pourquoi les équipes de l'Est ne réussissent pas à remonter. On peut penser qu'il y a des courbes. Tu sais, pendant 2-3 ans, il y a une division, on le voit au hockey, des divisions qui sont plus fortes. Puis là, 2-3 ans, ça change. Au football, ça semble pas vouloir changer. Hamilton, je pense qu'Hamilton a une excellente équipe cette année. Moi, je les vois terminer au premier rang assez facilement, d'ailleurs. Ils n'ont pas eu un calendrier facile pour commencer là, à Calgary et à Edmonton, mais par la suite, là, les choses vont se replacer. Et les équipes de l'Est jouent contre les équipes de l'Est plus souvent, donc ça devrait avantager les meilleurs. Alors, on va voir comment ça va se passer, mais on marque moins de points, on en accorde plus, puis on n'est pas capable de battre les équipes de l'Ouest. Donc, il va falloir poser des questions dans la Ligue canadienne pour voir comment on peut tenter d'équilibrer les choses. Mais ça fait des années, parce que Patrick, ça fait depuis 80 que je suis à la Ligue canadienne, l'Ouest, à l'exception de quelques années, ça a toujours été ça. Patrick, très intéressant, on va s'en parler dans le cas des Oilers, aussi, s'il se passe quelque chose à Edmonton. Ouais, ben avec les jeunes qui s'en viennent encore, les Oilers, puis il faudra surveiller les Flames cette année, qui ont, selon moi, là, c'est une des équipes qui s'est le plus améliorée cet été. Donc, on pourra se reparler plus proche de la saison d'hockey. Ouais. Patrick Henry, notre collaborateur à Edmonton.